rage, mais tu mets la rage. Tu mets tes barrages à la vitesse d'un orage. Un seul qui écrase, celui qui met la rage. Tu mets tes barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crade, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crade, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Regardons les barrages, le sang a envahi le rivage. On est devenus sauvages, le dehors des autres est notre breuvage. Selon les médisants, on augmentera le vagabondage. Avec ce que je vois, je te fais planer jusqu'aux zarpages. Peu importe où je meurs quand je veux que mes idées se propagent. Peu importe où et quand je veux que ça parte en dérapage. Je veux que ça casse du bourgeois, explose le patronat. Faut qu'on fasse le bon état, on s'en fout des syndicats. Lancé à pleine vitesse, va falloir qu'ils encaissent. Vider les tiroirs, caisse de lâcher du geste. Ouais, ouais, je professe, nique sa mère le respect. Même en état d'ivresse, message de la jeunesse. Quand il faudra, je t'assure que ça vaudra. Je m'en fous, la blabla blabla. Je suis pas parti là, les torrents. Un son bien crade, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crade, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crade, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crade, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. J'suis Rolagne, et j'aime la vue parce qu'elle a un goût de pisse. Et puis je veux juste appuyer, et puis si faire à le regard de Winchester. Personne ne sait ce qui se cache derrière ma porte de munitions. Ne pas brûler ma maison, je veux crever martyr et ne pas travailler. Les gens j'aime leur faire peur, c'est pour les réveiller parfois en cœur. J'ai rendu mon cœur pour une place au cœur de la liberté. Ma seule perte est de gerber. Les filles pensent que je suis romantique à cause de mon pays d'origine. Je suis juste en français, plutôt le fascisme. En fait je sortirai jamais des problèmes, je ne sais pas quoi faire. Et je garde le visage plein de type atypique, on blâme l'homme qui aimait les femmes. Mène une vie d'infâme. J'aime les trucs tellement énormes que les gens normaux ne peuvent pas les voir. Alors ils peuvent se faire pour y croire. Je ne veux pas de ton fric, de flic, de politique, de l'héroïsme. Je veux juste te fiancer, j'étais, mais personne ne le sait. Et c'est juste toujours le même ventard qui les baise. Envie de buter un de ces connards et prendre son pèse. C'est le son des sonars à nard, tu pèses. Un son bien crasse, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crasse, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crasse, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Un son bien crasse, celui qui met la rage. Qui met des barrages à la vitesse d'un orage. Vraiment, fuck ce qu'ils nous veulent. Ah, c'est ça qu'on veut, mec. Le 6-9, on le veut pas, on l'exige. Et ça te plaise ou pas, on s'en bat les couilles.